17. Le livre des interdits. Chapitre 254. L'interdiction de la médisance et l'ordre de tenir sa langue. Allah Ta'ala dit: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate 49, verset 12. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate 17, verset 36. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate 50, verset 18. Il faut savoir que chaque personne responsable doit tenir sa langue, sauf lorsqu'il y a un intérêt évident à parler. Et même lorsqu'il y a autant d'avantages à parler qu'à se taire, la sunna recommande de s'abstenir de toute parole. Car des paroles autorisées peuvent conduire à des paroles illicites ou blâmables, comme cela arrive souvent, et rien ne vaut la sécurité. 1511. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou bien qu'il se taise. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith indique clairement qu'il convient de ne dire que du bien, c'est-à-dire de ne parler que lorsqu'il y a un intérêt à le faire. Chaque fois que l'on doute de cet intérêt, alors il faut s'abstenir de parler. 1512. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte qu'il demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quel est le meilleur des musulmans. Il répondit, alayhi salatu wassalam, celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Al-Bukhari et Muslim. 1513. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque me garantit, c'est-à-dire s'engage à préserver, ce qui se trouve entre ses mâchoires, sa langue, et entre ses jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. » Al-Bukhari et Muslim. 1514. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire « Il arrive parfois à l'homme de prononcer des paroles qui, sans qu'il s'en rende compte, le feront tomber dans le feu de l'enfer plus profondément que la distance séparant l'Orient de l'Occident. » Al-Bukhari et Muslim. 1515. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il arrive parfois à l'homme de prononcer des paroles qu'Allah Ta'ala a agréées sans en mesurer la valeur et par lesquelles il l'élèvera en degré au paradis. Et il lui arrive de prononcer sans en mesurer la gravité des paroles qui provoquent la colère d'Allah Ta'ala et qui le précipiteront en enfer. » Al-Bukhari. 1516. D'après Abu Abdirrahman, Bilal ibn al-Harith al-Muzani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il arrive parfois à l'homme de prononcer des paroles qu'Allah Ta'ala a agréées sans s'imaginer un seul instant qu'elles lui vaudront l'agrément d'Allah jusqu'au jour où il le rencontrera. Et il lui arrive de prononcer des paroles qui provoquent la colère d'Allah sans s'imaginer un seul instant qu'elles lui vaudront le courroux d'Allah jusqu'au jour où il le rencontrera. » Rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, et At-Tirmidhi a fait le commentaire suivant, Hadith Hassan Sahih. 1517. Sufyan ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit, « Ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose à laquelle je puisse m'attacher fermement. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Dis, mon Seigneur est Allah, puis prends le chemin droit. J'ajoutais, ô messager d'Allah, que crains-tu le plus pour moi? Il saisit alors sa langue, alayhi salatu wassalam, et dit ceci. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1518. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, ne parlez pas trop, sans évoquer Allah, dhikr. Car sauf à évoquer Allah Ta'ala, trop parler endurcit le cœur. Or, les gens les plus éloignés d'Allah sont ceux qui ont le cœur dur. At-Tirmidhi. 1519. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qu'Allah préserve du mal de ce qui se trouve entre ses mâchoires, sa langue, et entre ses jambes, son sexe, ira au paradis. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 1520. Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, rapporte avoir demandé, ô messager d'Allah, quelle est la voie du salut? Il répondit, alayhi salatu wassalam, tiens ta langue, contente-toi de ta demeure et pleure pour tes péchés. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. 1521. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chaque matin, tous les membres de l'homme s'humilient devant la langue en lui disant, crains Allah notre sujet, car nous dépendons de toi. Si tu suis le droit chemin, nous le suivrons aussi. Et si tu t'en détournes, nous en ferons de même. At-Tirmidhi. 1522. Mu'adh, radiyallahu anhu, rapporte avoir demandé, ô messager d'Allah, indique-moi un acte qui me permette d'entrer au paradis et m'éloigne de l'enfer. Il dit, alayhi salatu wassalam, tu m'as interrogé sur une chose essentielle et facile à atteindre pour celui à qui Allah Ta'ala l'a rendu facile. Adore Allah sans rien lui associer dans ton adoration. Accomplis la salat, acquitte la zakat, jeûne le mois de Ramadan et accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. Puis il ajouta, alayhi salatu wassalam, veux-tu que je t'indique quelles sont les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu, ainsi que les prières au milieu de la nuit. Puis il récita, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de leurs œuvres. Sourate 32, versets 16 et 17. Puis il reprit, alayhi salatu wassalam, veux-tu que je t'indique quelle est la chose la plus importante, ainsi que le pilier central et le sommet de celle-ci? Je répondis, oui, ô messager d'Allah. Il dit, la chose la plus importante est l'islam, son pilier, la salat, et son sommet, le djihad. Il poursuivit, sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je t'indique sur quoi repose tout ceci? Je dis, oui, ô messager d'Allah. Alors il saisit sa langue et dit, tiens celle-ci. Je demandais, ô messager d'Allah, devrons-nous rendre des comptes pour nos paroles? Il répondit, que ta mère te perde. Les gens seront-ils jetés sur leur visage en enfer pour autre chose que ce qui sort de leur bouche? At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 1523. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, savez-vous ce qu'est la médisance? Les compagnons répondirent, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, alayhi salatu wassalam, c'est parler de son frère musulman en des termes qu'il n'aimerait pas entendre. On lui demanda, et si mon frère est tel que je le décris? Il répondit, s'il est réellement comme tu le décris, c'est de la médisance. Et si tu as menti sur lui, c'est alors de la calomnie. Muslim. 1524. Selon Abu Bakra, radiyallahu anhu, dans son prêche khutbah du jour du sacrifice à Mina lors du pèlerinage d'adieu, Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme le sont ce jour, ce mois, Dhul-Hijja, et cette cité, la Mecque. Vous ai-je bien transmis le message ?» Al-Bukhari et Muslim. 1525. Aisha, radiyallahu anha, rapporte avoir dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Safiya, l'une des épouses du prophète, a tel défaut, en faisant allusion à sa petite taille selon certains narrateurs. Il dit, tu as dit là des paroles qui, si elles étaient mélangées à l'eau de la mer, l'altéreraient. Elle rapporte également avoir imité une personne devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit, je n'aimerais pour rien au monde imiter les autres. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. L'altération de l'eau signifie ici que son goût ou son odeur sont corrompus par ses mauvaises paroles. Ce hadith constitue donc une mise en garde, on ne peut plus sévère, contre la médisance. Il faut par ailleurs garder à l'esprit les paroles d'Allah Ta'ala. Et il ne prononce rien, sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. 1526. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lors de mon ascension au ciel, au cours du voyage nocturne, je suis passé devant un groupe de gens qui, à l'aide de leurs ongles en cuivre, se lacéraient le visage et la poitrine. « Gabriel, qui sont ces gens » demandai-je. « Ceux qui mangeaient la chair des autres, les médisants, et qui portaient atteinte à leur honneur, » me répondit-il. » Abu Daoud. 1527. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Tout ce qui concerne le musulman est sacré pour les autres musulmans, son sang, son honneur et ses biens. » Muslim. 1528.